Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 64. Ce chapitre en latin ne permet pas la lecture en synthèse vocale. Question 65. De la polygamie. De quelle manière la polygamie est contraire à la loi naturelle? Elle a été autorisée dans un temps. Le concubinage a toujours été défendu. 1. Est-il contraire à la loi naturelle qu'un homme ait plusieurs épouses? Toute action qui empêche la nature d'obtenir la fin principale qu'elle a en vue dans une opération quelconque, est contraire au premier précepte de la loi naturelle. Celle qui manque de proportion avec l'une des fins secondaires que se propose la nature, ou qui ne laisse arriver que difficilement à l'une de ses fins principales, est opposée au précepte secondaire. Le mariage a pour fin principale la génération et l'éducation des enfants, pour fin secondaire, la communauté des travaux et des occupations nécessaires à la vie, et, parmi les chrétiens, pour troisième fin, la représentation de l'union de Jésus-Christ avec l'Église. La pluralité des épouses n'est pas contraire à la première fin du mariage, un seul mari suffit pour rendre fécondes plusieurs femmes et pour élever leurs enfants. Elle n'en détruit pas non plus totalement la seconde fin, mais elle l'entrave beaucoup. La paix ne règne que très difficilement dans une famille où plusieurs épouses sont unies à un seul mari. Celui-ci ne peut pas satisfaire les vœux de toutes, et la participation de plusieurs personnes au même office engendre des querelles. La pluralité des épouses supprime complètement la troisième fin du mariage. L'Église est une comme le Christ. Il résulte de cette exposition que si la pluralité des épouses n'est pas contraire au premier précepte de la loi naturelle, elle est du moins opposée au précepte secondaire. Note. La coutume ne prescrit pas contre les premiers préceptes de la loi naturelle, mais elle peut augmenter ou diminuer la force des préceptes secondaires, qui n'ont la puissance coactive attachée à un précepte absolu qu'après qu'ils ont été sanctionnés par la loi divine ou par la loi humaine. Sur ce fondement, saint Augustin a pu dire, « La pluralité des épouses n'était pas un péché, quand la coutume l'autorisait, on n'agissait pas alors contre un précepte, puisqu'elle n'était défendue par aucune loi. Elle l'est maintenant par le droit divin. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas avec les premiers préceptes de la nature une aussi grande opposition que la polyandrie. Celle-ci contrarie beaucoup plus qu'elle la génération, et l'empêche de savoir avec certitude quel père est chargé de l'éducation d'un enfant, aussi n'a-t-elle jamais été permise par aucune loi ni par aucune coutume. » Fin de la note. 2. La polygamie a-t-elle été licite autrefois? L'exemple des patriarches, qui, au rapport des livres saints, eurent plusieurs épouses et furent cependant très agréables à Dieu, est une preuve que la polygamie a été permise à une certaine époque. Nous l'avons dit, la pluralité des épouses n'est pas contraire au premier principe de la loi naturelle, bien qu'elle soit opposée aux préceptes secondaires. Or, pour être invariablement les mêmes dans la plupart des cas, ces derniers préceptes sont cependant susceptibles d'être modifiés selon les diverses conditions des personnes, des temps et des autres circonstances. C'est pourquoi, quand ils manquent d'efficacité, on peut licitement les négliger. Mais, comme il n'est pas aisé de déterminer avec certitude ces variations et qu'il appartient à l'auteur d'une loi d'accorder, par une dispense, la permission de ne pas l'observer dans les cas auxquels son efficacité ne s'étend point, Dieu seul, auteur de la loi relative à l'unité d'une épouse, pouvait en dispenser par une inspiration intérieure qui, donnée principalement au saint patriarche, se communiqua aux autres hommes par leur exemple, à une époque où il fallait multiplier les enfants, que l'on devait former au culte du vrai Dieu. Note. La dispense devant être conforme à la nature des lois, il n'était pas nécessaire que celle qui autorisait la pluralité des épouses fût écrite, puisque la loi de nature est imprimée dans les cœurs. Il suffisait qu'elle fût l'objet d'une inspiration divine. Elle devait disparaître à l'avènement du Christ, qui a voulu répandre le culte de Dieu dans toutes les nations par la propagation spirituelle de la foi, et non plus précisément par la propagation du sang. Fin de la note. 3. Est-il contraire à la loi naturelle d'avoir une concubine? D'après toutes les lois, les enfants nés d'une concubine sont entachés d'infamie. L'union du mariage a pour fin naturelle la génération et l'éducation des enfants, et c'est pour faire rechercher ce bien que la nature y a joint une délectation. Se proposer le plaisir dans une telle union sans aucune vue de la génération est contraire à la loi naturelle, et telle est l'action du concubinage, car, si parfois on y désire donner naissance à des enfants, elle est toujours contraire à l'éducation et à l'instruction que le père et la mère doivent à leurs enfants pendant plusieurs années, obligation qu'ils ne sauraient remplir sans une cohabitation prolongée qui nécessite le mariage. Un homme donc qui a des rapports charnels avec une femme à laquelle il n'est pas marié, et que l'on appelle une concubine, transgresse la loi naturelle. 4. Est-ce un péché mortel d'avoir des rapports charnels avec une concubine? Les actes qui brisent le lien de l'amitié entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et ses semblables, sont des péchés mortels, parce qu'ils sont contraires au double précepte de la charité, qui est la vie de l'âme. Parmi eux se range évidemment la fornication, par laquelle on détruit le rapport légitime qui, d'après le vœu de la nature, doit exister entre les parents et l'enfant. Un tel acte serait de lui-même un péché mortel, n'exista-t-il aucune loi écrite pour le prohiber? 5. A-t-il été permis dans un temps d'avoir une concubine? Ce qui est contraire au décalogue n'a jamais été permis. Le décalogue porte « Vous ne forniquerez point ». Donc il n'a jamais été permis d'avoir une concubine. Et, en effet, puisque le commerce charnel avec une telle femme est contraire au bien des enfants, fin principale du mariage, il déroge au premier précepte naturel, pour lesquels il n'y a pas de dispense. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament que certains patriarches, qu'il est nécessaire d'excuser de péchés mortels, ont eu des concubines, nous devons entendre que ces femmes étaient leurs épouses, en ce qui tient à la fin principale et première du mariage. Elles étaient appelées concubines, parce que, relativement aux soins domestiques, elles étaient en quelque sorte assimilées aux femmes dont elles portaient le nom. Note. Les concubines étaient des épouses de second ordre. Question 66. De la bigamie et de l'irrégularité qu'elle produit. Cas où l'irrégularité se contracte par la bigamie, la dispense. 1. La bigamie emporte-t-elle l'irrégularité? Le sacrement de mariage étant le signe de l'union du Christ avec l'Église, il est nécessaire, pour la perfection de ce signe, qu'un homme ne soit l'époux que d'une seule femme, et, réciproquement, qu'une femme ne soit l'épouse que d'un seul homme. Or la bigamie détruit cette signification. Aussi a-t-elle été frappée d'une irrégularité par les lois canoniques en ce qui concerne les ordres, Non pas seulement comme accusant une concupiscence de longue durée qui ne s'accorde pas avec les choses spirituelles, mais encore et surtout afin que nous comprenions que celui qui administre les sacrements ne doit pas contribuer à en priver un seul de son entière signification. Or il y a quatre sortes de bigamie. Premièrement avoir eu successivement et de droit deux épouses, deuxièmement en avoir eu simultanément deux, l'une de droit, l'autre de fait, troisièmement en avoir eu successivement deux, l'une de droit, l'autre de fait, quatrièmement avoir épousé une veuve. Voyez Monseigneur Gousset, tome 2, page 641. 2. Est-on irrégulier pour avoir eu deux épouses, l'une de droit, l'autre de fait? L'homme qui a eu une épouse de droit, et une autre de fait, est réputé bigame, par la raison que l'alliance de fait a une certaine ressemblance avec le sacrement, qui ne se trouve ni dans la fornication, ni dans l'adultère. Note. Le défaut de perfection dans la signification du sacrement, et non le péché, produit l'irrégularité annexée à la bigamie. Fin de la note. 3. Contracte-t-on l'irrégularité en épousant une veuve ou une fille qui n'est pas vierge? Saint Grégoire écrivait, « Nous vous défendons de laisser se présenter aux saints ordres un bigame, ou celui qui a épousé une vierge déflorée. » L'homme devient irrégulier en prenant pour épouse une femme qui n'est pas vierge. La raison qu'en donnent les canonistes, c'est le défaut de signification dans le sacrement de mariage, où l'épouse représente l'Église. 4. Le baptême enlève-t-il l'irrégularité de la bigamie? L'irrégularité de la bigamie n'est pas détruite par la réception du baptême, qui ne dissout pas le mariage dont elle résulte. 5. Est-il permis de dispenser les bigames? L'irrégularité de la bigamie est de droit positif et non de droit naturel, le pape peut en donner la dispense. Question 67. De la cédule de répudiation. Pourquoi l'indissolubilité du mariage appartient à la loi naturelle? Dispense accordée autrefois, cause et effet de la répudiation d'une femme sous la loi de Moïse. 1. L'indissolubilité du mariage est-elle fondée sur la loi naturelle? On voit dans l'Évangile que l'indissolubilité du mariage existait à l'origine du monde. Matthieu 19, 6. Donc elle est fondée sur la loi naturelle. Si l'on consulte le vœu de la nature, le mariage a pour fin principale l'éducation des enfants, non seulement pendant un temps, mais durant toute leur vie. Il est naturel, en effet, que les parents thésaurisent pour leurs enfants, qui sont leurs héritiers. Les enfants étant le bien commun du mari et de l'épouse, la raison enseigne avec évidence que la société de ceux-ci doit demeurer perpétuellement indivisée. Conséquemment, l'indissolubilité du mariage est fondée sur la loi naturelle. Note. Il était réservé à la loi nouvelle de conduire le genre humain à sa perfection en le rappelant à sa nature primitive, ce que n'avait pu faire ni Moïse, ni les législateurs humains. Le mariage jouit du privilège de l'indissolubilité à deux titres, comme signe de l'union perpétuelle du Christ et de l'Église, et comme fonction établie pour le bien des enfants. Fin de la note. 2. Une dispense a-t-elle pu rendre licite la répudiation d'une épouse? Abraham ne pécha pas en renvoyant, sur l'ordre de Dieu, Agar, qui lui était unie comme épouse. Genèse 21, 12. Nous l'avons reconnu en parlant de la polygamie, les préceptes de la loi naturelle sont susceptibles de modification. Et Dieu a le pouvoir d'en dispenser. C'est pourquoi, soit que l'indissolubilité du mariage rentre dans les premiers préceptes de la loi naturelle, soit qu'elle appartienne seulement aux préceptes secondaires, une dispense a pu rendre licite la répudiation d'une épouse. 3. A-t-il été permis sous la loi de Moïse de répudier une épouse? Les uns pensent que, sous la loi mosaïque, le mari qui renvoyait sa femme avec une cédule de répudiation était coupable devant Dieu, quoiqu'il n'encourût pas les peines infligées par la loi. Il semble à d'autres que si les Juifs eussent péché en répudiant leur femme, la loi elle-même et les prophètes les en auraient avertis, conformément à cette parole qui fut dite à Isaïe 58:1, annoncez à mon peuple tous ses péchés. Ces derniers prétendent que la répudiation de la femme est illicite, d'après une permission de Dieu. Leur sentiment n'est pas dénué de probabilité, bien que la première opinion soit plus communément soutenue. 4. Était-il permis à l'épouse répudiée de prendre un autre mari? Selon la première opinion, la femme péchait en se mariant après sa répudiation, car son mariage primitif n'était pas détruit, ainsi que le marque cette parole de saint Paul, la femme, en vertu de la loi du mariage, est liée à son mari tant qu'il vit. Romains 7:2. Elle ne pouvait avoir deux maris à la fois. D'après la seconde opinion, elle pouvait contracter un autre mariage, puisque son premier mari était autorisé par la dispense divine à lui donner une cédule de répudiation. L'indissolubilité du mariage cessait devant cette dispense, et les paroles de l'apôtre ne s'appliquent qu'au cas où cette indissolubilité subsiste. Note. Ce mot de notre Seigneur, celui qui épouse une femme répudiée commet une fornication, Matthieu 5:32, se rapporte, suivant ce dernier sentiment, au temps de la loi nouvelle, qui a révoqué la permission ancienne. Fin de la note. 5. Était-il permis au mari de reprendre l'épouse qu'il avait répudiée? Il est écrit dans la loi, son premier mari ne pourra la reprendre. Deutéronome 24:4. Cette défense, d'après la première opinion, avait pour but de punir la femme de son alliance avec un autre homme, et, suivant la seconde, elle devait empêcher les maris de répudier facilement leurs épouses, à cause de l'impossibilité de les reprendre dans la suite. 6. La cause de la répudiation était-elle la haine du mari? Moïse permit la répudiation, dans la crainte que la femme ne fût mise à mort par son mari, disent communément les pères. Or la cause la plus prochaine de l'homicide est évidemment la haine. Mais la haine elle-même a ses motifs qu'il fallait faire connaître. On enseigne avec assez de probabilité que les causes éloignées sur lesquelles on pouvait motiver la haine dans la cédule de répudiation, étaient restreintes à celles qui concernent le bien des familles, soit pour le corps, par exemple la stérilité, la lèpre ou autre semblable, soit pour l'âme, comme le dérèglement des mœurs. Note. Notre Seigneur a réduit toutes les causes de répudiation à la fornication seule, il a ordonné de supporter les autres défauts à cause de la fidélité à la foi promise. Fin de la note. 7. Les causes de la répudiation devaient-elles être consignées dans la cédule? On les y inscrivait en général, mais sans aucun détail. D'après l'historien Joseph, la cédule ne contenait que ceci, « Je m'engage à ne plus vivre avec toi ». Cela une fois écrit, on donnait un délai, afin que les scribes, par leur conseil, parvinssent à détourner le mari du dessein qu'il avait pris. Question 68. Des enfants illégitimes. Les enfants illégitimes sont ceux qui naissent hors d'un vrai mariage. Suite de l'illégitimité. Manière de légitimer un enfant. 1. Les enfants nés hors d'un vrai mariage sont-ils illégitimes? Si un enfant naît d'un mariage légitime et véritable, il est tout à la fois naturel et légitime. Naît-il d'une fornication simple, il est naturel, mais illégitime. Quand un enfant est adopté, il est légitime et non naturel. Celui qui provient de l'adultère ou de l'inceste n'est ni naturel ni légitime, car sa naissance est en même temps contraire à la loi positive et à la loi naturelle. Note. Ces enfants sont appelés incestueux ou adultérins. Les personnes qui se marient en face de l'Église avec un empêchement connu d'elles, outre le péché qu'elles commettent, rendent leurs enfants illégitimes. Il en est autrement pour celles qui ignorent l'empêchement qui existe entre elles. Fin de la note. 2. Les enfants illégitimes doivent-ils subir quelques dommages de leur naissance? On subit un dommage de deux manières. Premièrement, par la privation d'un bien auquel on a droit. Secondement, par celle d'un bien qui n'est pas dû, mais qu'il aurait été en d'autres circonstances. Sous ce dernier rapport, les enfants illégitimes supportent sans injustice un double dommage. D'abord, ils ne sont pas admis aux fonctions et aux dignités qui requièrent une grande honnêteté dans ceux qui en sont investis. Ensuite, ils sont exclus de l'héritage paternel. Les enfants naturels peuvent recevoir le sixième seulement de la succession de leurs parents. Les incestueux et les adultérins n'héritent nullement, mais leurs parents sont obligés par le droit naturel de leur fournir les choses nécessaires à la vie. Note. Objectera-t-on que, selon la parole du Seigneur, le fils ne doit pas être puni pour le péché de son père? Subir un dommage de la seconde façon indiquée ci-dessus n'est pas une punition. Nous ne regardons pas comme une peine qu'un homme qui n'est pas le fils du roi ne monte point sur le trône. Semblablement, ce n'en est pas une pour un enfant illégitime de ne point jouir des droits qui appartiennent aux enfants légitimes. Notre code civil a conservé la substance de ces principes. Les enfants naturels ne sont point héritiers, la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédé que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère, article 756. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses pères et mères décédés est réglé ainsi qu'il suit. Si le père et la mère ont laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue. S'il eût été légitime, il est de la moitié. Lorsque les pères ou mères ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs, il est des trois quarts. Lorsque les pères ou mères ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs, article 757. La loi n'accorde que des aliments aux enfants adultérins ou incestueux. Article 762. Fin de la note. 3. Un enfant illégitime peut-il être légitimé? Il y a, d'après les canons, deux manières de légitimer un enfant. La première consiste à épouser la femme dont on l'a eu. Lorsqu'il n'est ni incestueux, ni adultérin, la seconde est d'obtenir une dispense du souverain pontife. Note. La naissance de cet enfant n'est pas rendue légitime en elle-même, mais les suites de l'illégitimité lui sont épargnées par l'autorité de la loi. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.